soki bolingo esili boka bona kaka te bitumba te koswala te nakanga miso na kima verite naluka esika yanga moko na vanda kimia je ne referai pas le monde c'est ainsi nakolanda oyanga nzala oseliwa vivre seul comme la